Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Eva Perón, la Madone des sans-chemises. Elle a été jusqu'au bout d'elle-même. Elle voulait réussir. C'est une grande ambitieuse, Evita. Il ne faut pas la prendre pour une petite sainte au départ. Elle savait ses possibilités, elle les connaissait, mais elle avait besoin d'un tremplin. Ce tremplin, ça a été Perón. Elle a rencontré l'homme qu'elle voulait et, heureusement pour elle, cet homme a été l'homme de sa vie. Maude de Belleroche, qui a écrit une biographie sur Eva Perón, rappelle à juste titre à quel point le destin d'Evita est intimement lié à celui de son mari, le président argentin Juan Perón. Mais le destin d'Eva Perón est aussi étroitement lié à celui du peuple argentin et particulièrement à ceux qu'on appelait à l'époque les sans-chemises, ces Argentins laissés pour compte, souvent les plus pauvres des plus pauvres. Car si Evita est ambitieuse et veut en effet atteindre le sommet, jamais elle n'oubliera non plus ses origines plus que modestes. Son engagement en faveur des déshérités, son combat pour donner une voix aux femmes argentines et sa mort prématurée à l'âge de 33 ans feront d'elle une véritable légende. I kept my promise, don't keep your distance. Je crois qu'elle a gagné ses galons de vedette de la politique en faisant ses classes de journaliste à la radio. Enfin, journaliste n'est pas tout à fait le mot. Elle était plutôt interprète. Elle a représenté les grandes héroïnes de l'histoire, les héroïnes comme Marie-Antoinette, comme Catherine de Russie, Élisabeth d'Angleterre. C'était une comédienne. C'était avant tout une comédienne, mais c'était une comédienne qui n'avait pas tellement bien réussi, il faut bien le dire. Elle avait, de l'âge de 16 ans à l'âge de 25 ans, été une petite théâtreuse, comme nous dirions aujourd'hui, courant le cachet, ayant énormément de difficultés. Tout cela parce qu'il faut bien revenir à ses origines, je crois qu'il faut toujours commencer par là. C'était une petite bâtarde, et le mot nous fait horreur à nous, mais en Argentine, quand elle est née en 1919, elle a eu une enfance atroce. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Sur la chanson « Don't cry for me, Argentina » interprétée par Madonna, vous entendiez à nouveau Maude de Belleroche, biographe donc d'Eva Perón, à l'émission « Des livres et des hommes » en 1973, pour nous raconter le très singulier destin d'Eva Perón. Je reçois le professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Victor Harmony, spécialiste de l'Argentine, argentin lui-même. Victor Harmony, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission, Victor. Quelle place elle occupe d'abord, Eva Perón, dans l'histoire de l'Argentine, mais plus que ça, dans l'imaginaire collectif des Argentins? A une place extrêmement importante, même parmi ceux dont, par exemple, le Che Guevara, ces images que l'on connaît à l'extérieur de l'Argentine et qui, quelque part, sont l'emblème de la richesse, mais aussi de la complexité de la politique et de la vie sociale en Argentine. Elle incarne beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais il faut dire, elle est incontournable lorsqu'on raconte l'Argentine. Aujourd'hui encore, ouais. dans une perspective autant historique que contemporaine, il faut parler d'elle comme un élément majeur du pays. Elle fait partie, là, je vous écoute, mais au fond, de l'ADN, de l'identité argentine. Voilà. Ouais. Et pour certains, c'est les bonnes choses d'Argentine, parfois un passé mythique auquel on voudrait revenir. Pour d'autres aussi, ça fait partie d'un péronisme qui a abîmé l'Argentine, etc. Donc, ouais. Ça dépend des positions. Mais encore une fois, elle est au cœur de l'identité nationale. Ouais. Parlons un petit peu de ses origines. Maude de Belleroche, la biographe, l'évoquait dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Ça n'a pas été facile. Une enfance, milieu très modeste, enfance très difficile pour elle. Ben, en fait, elle fait partie de la famille illégitime d'un homme assez riche qui avait sa famille par ailleurs. Donc, c'est la mère de Eva et sa maîtresse. Donc elle a vécu non seulement la pauvreté, mais aussi l'humiliation, ouais. le fait d'être à l'extérieur de la vie. Écoute, dans ces années-là, évidemment, tout ce qui était les normes sociales. Donc elle grandit dans un contexte dans lequel elle n'a même pas de dignité. Ouais. Alors ça va la marquer, évidemment. Ouais. Ça va la marquer parce qu'elle sera la madone des sans-chemises. On y reviendra quand elle fera de la politique, je pense qu'on peut le dire comme ça, avec Juan Perón, son mari. Parlons de la rencontre, justement. Comment elle en vient à rencontrer Juan Perón? Il était déjà devenu une vedette relativement connue à la radio, donc après son parcours de comédienne. Et à ce moment-là, Perón est un ministre qui s'occupe des affaires sociales, une figure déjà assez puissante dans le gouvernement militaire de l'époque. Un tremblement de terre en Argentine, il faut faire une collecte de fonds pour aller aider les gens dans la province de San Juan. Alors, il fait appel à un peu comme on fait aujourd'hui, aux artistes connus, etc. Voilà, dans ce contexte-là, ils font connaissance et ce sera un lien qui se consolide assez rapidement, il faut le dire. Donc, dans un grand événement pour venir en aide à ces victimes du tremblement de terre, ça va très vite. Hein? Ils vivent ensemble, ils se rencontrent et très rapidement, c'est parti leur histoire. Voilà, ce qui fait partie aussi un peu de cette histoire un peu particulière, justement dans une société très conservatrice, oui. Aussi, il faut le dire, la présence de l'Église catholique et tout cela, et tout à coup, cet homme politique accueille une femme qui, aux yeux des élites aussi, est une parvenue, est associée bien sûr à la vie de la nuit, ouais. On peut le dire comme ça, donc des doutes sur sa moralité, si vous voulez. Avec ses origines, encore une fois, dans le contexte argentin, qui ne sont pas de très bon ton, on va dire ça comme ça. Donc, ils deviennent un couple, Perón est ministre au moment où il la rencontre, entre-temps, et dès leur rencontre, elle fera partie de son cheminement, de son parcours, de son ascension politique. Quel rôle est là, Eva Perón, sur le plan politique auprès de Juan Perón? Ben, je pense que dû à, d'une part évidemment à son parcours, à ses convictions aussi, convictions peut-être spontanées, il n'a pas encore une articulation idéologique à donner à ses paroles, mais justement il va trouver le contenu, le message et surtout le véhicule dans ce qui va devenir le mouvement péroniste. Elle sait comment communiquer, elle a une empathie, une capacité d'établir un pont avec la population, ouais. En général, y compris, et peut-être surtout à un moment donné, les moins nantis de, ouais. La société. Et elle fait campagne avec lui. Donc, quand il devient, il faut voir, bon, il sera, il y a Perón, justement, il devient trop populaire pour le gouvernement militaire, donc il sera emprisonné, renvoyé, le peuple sort dans la rue, il y a ce moment très, très important à la Plaza de Mayo où les sans-chemises demandent sa libération et sa présence. Et à compter de là, justement, élection, processus électoral, il devient candidat du Parti travailliste. Et à ce moment-là, Eva Perón devient justement aujourd'hui on dirait son adjointe, ou plus que ça, sa chef de communication. Mais ouais. C'est d'une façon exceptionnelle comme on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'Argentine. D'autant plus que la parole, le discours, la rhétorique, les images, ça devient un élément qui n'était pas encore tout à fait connu dans la politique argentine. Ouais. Donc il devient président en quelle année, Perón? Il sera élu en 46, ouais. Et c'est pas tout simplement un président. Il devient le chef d'une nation, oui. À la tête d'un mouvement extraordinaire dont on pourrait dire énormément de choses, oui. Positives et négatives. Oui. Et avec lui, donc, à ses côtés, cette formidable communicatrice, on pourrait presque dire aujourd'hui, c'est une propagandiste formidable, Eva Perón, aux côtés de Juan Perón, et elle va parler, elle touche les Argentins, et elle leur parle comme cette femme de radio qu'elle était, comme cette comédienne qu'elle était, avec fougue et passion, en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Extrait d'un discours d'Eva Perón prononcé le 17 octobre 1948. Le capitalisme étranger et ses traîtres serviteurs oligarchiques ont appris à leurs dépens qu'il n'y a pas de force qui puisse faire plier un peuple conscient de ses droits. Une fois de plus, mes chers sans chemise, en nous unissant à notre leader et dirigeant, nous réaffirmons que dans la vie argentine, il n'y a pas de place pour le colonialisme économique, pour l'injustice sociale, ni pour les marchands de notre souveraineté et de notre avenir. C'est un discours qui est très ancré idéologiquement, ce qu'on vient d'entendre, Victor Harmony. Quel est le message? Quel est le grand message? Elle va parler aux Argentins toute sa courte vie, mais aux côtés de Juan Perón. Quel est le grand message qu'elle porte, Evita? Justement, je pense en entendant ces mots aujourd'hui, colonialisme, capitalisme, etc., on aurait tendance à la classer plus à gauche, en se disant c'est un mouvement révolutionnaire, etc. On le sait, c'est plus compliqué que cela. C'est un véritable populisme. Avec tout ce que cela veut dire, en ce sens que c'est finalement un discours de justice sociale, mais qui est aussi fortement nationaliste, conservateur à plusieurs égards aussi. Donc, encore une fois, c'est une créature, je parle de ces dimensions idéologiques tout à fait complexes. Ce que Eva Perón arrive à faire, de façon, oui, effectivement exceptionnelle, c'est de donner à tout cela une sorte de cohérence et de lui ajouter, bien sûr, d'une part, la passion, les bons mots pour le dire, mais aussi et le cœur et ces dimensions féminines qui manquaient bien sûr aux militaires qui étaient Juan Perón. Donc, elle arrivait à dire, il y avait ce volet d'épouse, de mère qui l'a fortement mobilisé dans son image qu'elle voulait projeter. Et ça marche, les Argentins l'adorent. Tout à fait, elle est la chef spirituelle, comme on la nomme même officiellement. Un peu la mère de la patrie, tout ce que vous voulez. Donc, de ce point de vue, encore une fois, évidemment, il y a ces dimensions de femme extrêmement fortes, mais il y a aussi l'instrumentalisation qui se fait au nom d'un projet politique. Ouais. Et puis, il y a cette contradiction, mais qui est pas qu'argentine, mais qui est entre autres choses argentine, c'est qu'on a une Eva Perón, donc, qui, dans la tradition populiste, dit au peuple, ce peuple qui vit dans la misère en grande partie, qui dit au peuple ce qu'il veut entendre, mais qui lui parle à ce peuple habillé de vêtements signés, mais ça, le peuple aime ça aussi, parce que c'est la grandeur, c'est la richesse à laquelle on rêve, au fond. Voilà, et c'est aussi la vedette qu'on voyait déjà au départ sur les couvertures de magazines, c'est-à-dire, et en même temps, il faut dire qu'elle justifie aussi sa façon de se montrer aux Argentins, mais aussi au monde, quand elle a voyagé en Europe, par exemple, c'est une façon de dire, moi, je suis l'image d'Argentine, et je veux qu'on voit notre beauté, nos capacités. Donc, de ce point de vue, justement, il y avait ce qu'on peut voir comme une contradiction. Et c'était aussi un élément sur lequel les attaques de la part surtout des élites venaient dire, justement, elle est en fait, elle ne veut que s'habiller chic et tout cela. Ces élites qui, malgré tout, trouvent que ce gouvernement gouverne à des politiques trop sociales. Et il y en aura des politiques pour les pauvres. On y reviendra parce qu'il y aura une fondation qu'elle va créer qui est un bel exemple de son héritage sur ce plan-là. Mais il y a un mot sur la figure féminine très forte. On a parlé de la mère qu'elle était pour les Argentins, mais elle sera aussi pour les femmes argentines, celle qui leur donnera une voix, littéralement. Parlez-moi de ça, Victor Harmony, par exemple, sur le droit de vote des femmes. Quelle importance, quel rôle jouera Evita Perón? Elle joue un rôle important. On ne sait pas. Il y a des discussions parmi les historiens jusqu'à quel point elle a été décisive. C'est-à-dire, est-ce que c'était déjà une décision de Perón à des fins électoralistes? Donc, la discussion, disons, sur les faits, on peut la faire. Mais essentiellement, elle incarne ce message. C'est elle qui porte le projet. Et cela est extrêmement important. Encore une fois, elle se dit toujours l'épouse, elle se met toujours dans un rôle secondaire par rapport à son mari, mais en même temps, le fait qu'elle soit cette figure publique, qu'elle mène ses projets, qu'elle soit la face finalement humaine et sociale du régime, ça va rompre avec une image de la femme en Argentine, encore une fois, une société à ce moment-là très, très conservatrice. Donc il faut voir c'est un jalon tout à fait fondamental. Et l'Argentine d'avant et après, en ce qui concerne le rôle de la femme dans la vie publique en général, est tout à fait majeur. Avec cette. Ils sont pragmatiques quand même, les Perón, avec cette idée toujours que ce soit profitable, cette action-là politiquement. Il y a un très bon exemple de ça en 1949, mais quand même, 1949, c'est incroyable, elle va créer le Parti Perón. texte féminin. Tout à fait. Encore une fois, c'est politiquement, c'est pas si important que ça. C'est-à-dire, ça a pas fonctionné comme. Mais et ça va un peu dans l'idéologie aussi un peu corporatiste de Perón, d'organiser la société en secteurs. Donc les femmes auront leur parti. Donc d'un point de vue évidemment aujourd'hui universaliste, égalitariste, ça a pas de sens de cantonner les femmes dans un parti politique comme si c'était bon ici les travailleurs, ici les syndicats, ici les femmes. Mais en même temps, justement, le faire. Dans ce contexte-là, est une façon, encore une fois, de dire que les femmes ont un rôle central à jouer dans l'Argentine, dans la politique, et encore là, dans l'économie aussi, de plus en plus. Donc, encore une fois, c'est une rupture majeure. Son héritage, très concrètement, j'évoquais l'exemple de cette fondation, la Fondation Eva Perón, qu'elle va créer en 1948. C'est un très bon exemple, Victor Harmony, parce que c'est durable. Aujourd'hui encore, cet héritage-là, il existe. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce qu'elle laissera à ses déshérités, très concrètement, entre autres par l'entremise de cette fondation? Bon, il va avoir des hôpitaux, des orphelinats... qui existent toujours. Oui, tout à fait. Donc, ça a été, en même temps, évidemment, et ça a créé aussi ce lien. On raconte, il y a un peu la légende, le mythe, elle a accueilli des gens qui viennent lui demander quelque chose. Mon fils est malade, j'ai pas d'argent pour lui acheter les médicaments. Bon, donner à cette femme, à cet homme, quelque chose. Donc, quelque part, il y a un rôle aussi un peu... royal, c'est comme au maternel aussi encore une fois. Donc, mais les effets, l'ampleur de la chose est tout à fait remarquable. Donc oui, parfois on dira c'est pas l'état social ça, une femme qui donne. Mais en même temps, encore une fois, c'était une reconnaissance de la part de l'État argentin envers ce qu'on peut appeler une dette sociale envers la population. Et ça, c'est assez remarquable. Ouais. Mais tout ça va s'arrêter de manière assez prématurée. Je le disais au tout début de l'émission, sa mort très jeune, elle meurt d'un cancer en 1952, va participer de sa légende, puisqu'elle meurt donc de ce cancer le 26 juillet 1952, Eva Perón. D'Argentine viennent de parvenir en Europe ces images saisissantes de l'adieu de tout un peuple à celle que les humbles appelaient leur mère, Eva Perón. Des centaines de milliers de personnes ont assisté au passage de la dépouille mortelle de la femme du président, portée sur un affût de canon, traînée par ses descamisados. Le corps embaumé d'Eva Perón va maintenant reposer pendant une année au siège de la Confédération du Travail, avant d'être exposé dans le mausolée du souvenir, dont la construction va être incessamment entreprise dans le centre de Buenos Aires. Extrait d'un film d'actualité, ces petits films d'actualité qu'on présentait dans les cinémas, un film français qui date du mois d'août 52, donc présenté aux Français un mois après, à peu près, après la mort d'Eva Perón le 26 juillet 52. Comment l'Argentine va vivre ce deuil, va vivre la maladie aussi parce qu'on l'a assez malade, et la mort d'Eva Perón? Oui, même elle devait, elle aurait pu devenir vice-présidente pour le nouveau mandat de Perón. Donc, s'il n'était pas décédé, elle aurait pu devenir même cette figure tout à fait centrale. Maintenant, oui, c'est vécu par le peuple comme une catastrophe. En même temps, ça va justement nourrir le mythe. Hein. Oui. Souvent, elle a une mort... un jeune âge 33 ans, c'est ça. Ouais. Mais aussi ça, ce qu'on voyait, elle était déjà malade et tout de même elle parlait au peuple, donc cette image d'une femme forte, d'une femme avec des convictions inébranlables, donc c'est il va consolider en fait durant la maladie, et à la fin ce sera justement le peuple qui projette cette douleur qui est l'autre face justement de ce rapport, on peut dire, d'amour envers elle. À Buenos Aires, le nouveau gouvernement, qui avait d'abord fait voiler la statue d'Eva Perón, édifiée devant la fondation qui portait son nom, a finalement pris la décision de la faire enlever purement et simplement. Ainsi disparaissent jusqu'aux souvenirs qui pourraient encore rappeler l'ère péroniste. Conspuée dans son image, après avoir été l'objet d'une adoration sans bornes, Evita prend à son tour le chemin de l'exil. À nouveau un extrait de ces films d'actualité présentés dans les cinémas français, cette fois au mois de décembre 1955. Que se passe-t-il, Victor Harmony, après la mort d'Eva Perón, pour que cette femme, on en a parlé pendant une vingtaine de minutes, adulé en Argentine, soit tout à coup conspué? Pas par le peuple, justement, par les nouvelles autorités qui ont fait un coup d'État contre Perón. Les choses, l'histoire ne se termine pas par la mort d'Evita, au contraire, ça, ben, en tout cas, ça se complique, justement, vol du cadavre, des choses absolument incroyables. Il y a des histoires, il y a même un roman inspiré de cette saga où l'on amène son corps en Italie pour le cacher, mais pas le détruire, parce que, etc., etc. Bon, mais il y a un gouvernement d'extrême droite, militaire, donc qui renverse le gouvernement Perón et qui va défaire tout ce qui a été fait, ouais, au niveau social, au niveau syndical, au niveau des acquis des femmes. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, on enlève tout souvenir. Il faut se rappeler, ce gouvernement est allé jusqu'à interdire des mots. On ne pouvait pas prononcer le nom de Perón ou d'Evita, donc des choses aussi d'une absurdité totale. Mais le peuple gardera le souvenir, justement, ces mémoires, d'une véritable mémoire, mais aussi d'avoir acquis une identité sociale, de sortir de l'invisible, de devenir justement une partie... Non seulement une partie importante d'Argentine, mais aussi le cœur, le noyau de l'argentinité. Ouais. C'est un souvenir qui reste, je dirais même, qui existe encore aujourd'hui, de nos jours. Parce qu'elle est toujours, aujourd'hui encore, considérée comme une icône en Argentine, de la même manière qu'elle continue de faire partie de la vie politique du pays, d'une certaine façon. Il y a quelques années encore, Cristina Kirchner, qui était présidente de l'Argentine, continuait, par exemple, de se réclamer de l'héritage d'Eva Perón, Victor Harmoni. Elle, comme d'autres femmes politiques d'ailleurs, ont parfois, on peut dire utilisé, mobilisé, certains diront instrumentalisé, mais c'est certain que être femme et surtout femme présidente, leader, ça suscite nécessairement des parallèles avec ce que Eva Perón a fait, d'autant plus que Madame Kirchner a justement mis l'accent sur la justice sociale, ouais, les droits humains et la place de la femme aussi dans la société, dans la politique. Et donc, de dire toujours, de rappeler, quand on me critique, c'est la femme aussi qu'on critique. Voilà, c'est ça. Ouais. Victor Harmoni, c'était fascinant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Ça me fait plaisir. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.